deuxième temps de notre série Que faire de nos morts. Aujourd'hui, le documentaire. Hier, nous vous avons raconté comment le cercueil était devenu obligatoire au 19e siècle en France. Demain, nous vous parlerons des rituels de deuil et jeudi de l'histoire des cimetières. Et aujourd'hui, nous sommes le jour du documentaire dans la Fabrique de l'Histoire et Anaïs Quin et Marie-Laure Ciboulet se proposent de nous raconter la naissance, le développement et l'histoire en général du métier de thanatopracteur. Comment, au 19e siècle en particulier, la question de la conservation des corps a-t-elle évolué? C'est ce que nous raconte le documentaire Nous soignons vos morts jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire avec Nicolas Delestre, Marion Péchinet, Christophe Goussin, Dominique Lepape et Fanny Madeline. Le long des autoroutes et voies ferrées, entre Bay Bay Soap et Royal Cigarettes, larges panneaux publicitaires inscrivent aussi en gigantesques lettres de néon des phrases étonnantes. Le meilleur chemin de la terre au ciel passe par la société Frank Campbell Incorporated. Ou mourrez et nous ferons le reste. Et jusque chez vous, à votre journal ou bureau, vous recevez la visite des démarcheurs de ces sociétés de pompes funèbres. Jeunes gens élégants à l'air de danseurs mondains. Nous soignons vos morts. Un documentaire d'Anaïs Quin, réalisé par Marie-Laure Ciboulet. L'embaumement en particulier et la thanatopraxie actuelle part du principe que la mort c'est une déconstruction des sens. C'est-à-dire lorsque la personne vient à décéder, l'odeur change, le visuel change, le toucher change, tout change. Du coup, le dialogue entre les personnes qui connaissent la dépouille du temps de son vivant, etc., n'est plus vraiment possible. Ce qui est une trop grande différence. Le principe de l'embaumement, c'est de reconstruire certains sens pour un temps donné afin de permettre à nouveau un dialogue et donc de permettre le deuil. Effectivement, il y a comme une espèce de tendance instinctive à maintenir quelque chose dans le temps. C'est pas le cadavre qui persiste, c'est la personne. Ce qui nous reste, ben, c'est une dépouille qui est finie, qui a fini son usage, qui est respectable parce que ça a été l'expression de quelqu'un pendant le temps, mais en fait, c'est un déchet. Et ce qui compte, c'est pas la viande, c'est le sujet. En 2016, une polémique éclate en Russie. L'État doit-il débourser les 174 000 euros nécessaires à la restauration du corps embaumé de Lénine, 92 ans après sa mort? La disparition de ce corps annoncerait-il le renoncement définitif aux idées de la Révolution russe? Si les interrogations des citoyens russes concernent un corps célèbre à travers le monde entier, en France, près d'un tiers des décès annuels sont suivis d'un soin dispensé par un thanatopracteur, ouvrier d'une relation à la mort dont on souhaiterait effacer la violence. De la simple toilette mortuaire aux soins de conservation, il s'agit toujours de prolonger l'image du mort, le temps de lui faire ses adieux. Si les thanatopracteurs adoucissent le deuil, ils restent cependant l'objet d'une suspicion pour les uns, d'une fascination pour les autres, marqués qu'ils sont par ce contact intime et quotidien avec la mort. Rencontre avec Nicolas Delestre, thanatopracteur et historien de sa profession, au Musée de la médecine et de la pharmacie de Lyon 1. La notion d'embaumement est extrêmement ancienne. Et surtout, à la base, l'embaumement s'est nourri des conflits, comme à chaque fois. La médecine se nourrit beaucoup des conflits pour grandir, etc. Et l'embaumement, c'est pareil. L'une des techniques majeures de l'embaumement, qu'on appelle le dilaceratio corporis, qui est la division des corps, est né lors des croisades, par exemple, puisqu'il était impossible de ramener une dépouille en parfait état lors des croisades, vu les distances et le temps qu'on avait. Donc les chevaliers allemands ont défini une nouvelle technique, qu'on a appelée le mostotonicus, qui a été transférée en latin en dilaceratio corporis, qui était une division des corps. Donc du coup, on pratiquait sur place l'enlèvement du cœur, on ébouillantait la dépouille, On enterrait sur place le substrat, on ramenait les ossements et le cœur. Et ça permettait en fait d'honorer plusieurs lieux en déposant les morceaux de dépouille dans ces lieux. Et du coup, qui disait honneur sur certains lieux disait pèlerinage, etc. Richard Cœur de Lion meurt le 6 avril 1199 à Chalus-Chabrol. Fanny Madeleine. Un petit village du Limousin où il était venu mater en quelque sorte la rébellion d'un de ses vassaux. Et donc il meurt d'un carreau d'arbalète qu'il reçoit dans l'épaule et qui se gangrène en une dizaine de jours. Et donc au cours de ces 10 jours, il va pouvoir aussi dire à ses proches ses dernières volontés. Et parmi ses dernières volontés, il émet le souhait de voir son corps séparé, divisé, entre les différentes parties de ce territoire, de ce qu'on appelle l'Empire Plantagenet. Richard avait demandé à ce que ses entrailles soient enterrées sur le lieu même, en Limousin. Donc ça serait l'abbaye de Charroux qui les recueillerait. Et il va dire qu'il laisse effectivement ses entrailles dans cette région, puisqu'en fait il ne mérite que ça. En fait, ses entrailles et son cerveau, donc c'est les parties périssables. Son cœur irait aux Normands, qui ont été de tout temps les plus loyaux. Et son corps, avec ses insignes royaux, irait rejoindre la nécropole royale, où était déjà mort son père, le roi Henri II, 10 ans auparavant. Donc à Fontevraud. Donc cette dispersion du corps de Richard est une pratique qui commence seulement à se développer au XIIe siècle. Elle était connue chez les empereurs allemands dès le XIe siècle, mais c'était quasiment les seuls à opérer cette séparation des entrailles du corps. Et cette division du corps est quelque chose d'encore très contesté au XIIe siècle, puisque la papauté interdit cette pratique de division des entrailles. Elle veut que les corps restent intacts au moment de l'enterrement. Mais pour le roi, c'est aussi une manière d'abord de faire de son corps un vivier de reliques, dans l'espoir de pouvoir multiplier les endroits où pourrait s'exercer une sorte de culte royal. Et là, on voit la manière dont Richard divise son corps. C'est une manière aussi de rassembler les territoires de son empire, donc le Limousin, l'Aquitaine, la Normandie et l'Anjou, qui sont en fait les trois principaux territoires de cet espace continental que gouvernait le roi d'Angleterre. Nicolas de Lestre, on disperse les corps avec cette méthode. À cette époque-là, oui. C'est devenu un privilège capétien, puisque ça a été interdit par le pape à une certaine période, mais on avait possibilité d'avoir des exemptions et la famille capétienne, la dynastie capétienne a obtenu des exemptions jusqu'à la fin. Après, il faut voir aussi que l'embaumement, à cette époque-là, notamment lorsqu'il ne s'agissait pas de dépouilles de conflits, permettait de prouver l'accession au trône des descendants. On prouvait que la personne était morte en la baladant dans le pays, en disant, ben voilà, mon père est mort, donc je peux devenir le nouveau sénéchal ou le nouveau autre à sa place. Ces processions avec ces dépouilles pouvaient durer un certain temps, j'imagine, Nicolas de Lestre. Certaines processions duraient tellement longtemps que la dépouille n'était plus vraiment dans un état suffisant pour être démontrée. Et du coup, on fabriquait des effigies du personnage pour le balader devant la procession. On pourrait dire, si, c'est bien lui, voyez, je vous le représente en petite poupée. Et du coup, il est à l'arrière, même si la décomposition faisait qu'il n'était plus dans le même état que ce qui était représenté. Surtout que la préservation des corps à cette époque-là n'était pas quelque chose d'extrêmement abouti. Ce n'était pas pratiqué par des médecins, très rarement par des chirurgiens. On faisait pratiquer ça par des barbiers ou même souvent par des bouchers. On a tout un corpus d'utilisation de plantes pour l'embaumement à cette époque-là, notamment la menthe, notamment la rhubarbe, qui était très utilisée, des encens aussi, mais ça reste quand même quelque chose de vraiment aléatoire. On n'a pas de cohérence sur les pratiques d'embaumement de l'époque. Certains chirurgiens retiraient le cerveau pour permettre à la dépouille de se décomposer un peu moins rapidement. D'autres éviscéraient complètement le corps pour pratiquer des onguents à l'intérieur. Certains se contentaient de faire des trouées sur la peau et de mettre des petites herbes de Provence à l'intérieur des trouées et le refermer pour que simplement l'odeur reste moins longtemps. Mais on n'a pas de cohérence de technique à cette époque-là. Peut-être pour comprendre toutes les expérimentations qui vont être opérées par les thanatopracteurs, les embaumeurs, vous pouvez nous expliquer, Nicolas Delestre, ce qui se passe quand une personne meurt? Que se passe-t-il avec le cadavre? La thanatomorphose vient en plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a une perte d'élasticité des muscles due à la compression du calcium et du coup, on a une rigidité cadavérique qui se fait. Il y a la température qui diminue du corps humain. Et très vite, en fait, une tache verte va apparaître au niveau du sacrum de l'abdomen, c'est ce qu'on appelle la tache verte abdominale, qui va petit à petit gangréner l'ensemble, et ce qui va faire, ce sont les débuts du pourrissement. Pourquoi ? Parce que lorsque la mort survient, les sphincters se relâchent, et du coup, par exemple, au niveau du sphincter abdominal, estomacal, il y a les sucs gastriques qui vont attaquer l'intestin. Et du coup, en fait, l'ensemble du corps va commencer à entrer en putréfaction. C'est assez rapide. Mais ça dépend aussi des conditions externes, c'est-à-dire ça va dépendre de la température, ça va dépendre de l'humidité, ça va dépendre du lieu, ça va dépendre de l'oxygène du lieu, et ça va dépendre aussi de la présence ou pas de nécrophages, c'est-à-dire d'insectes qui se nourrissent de la dépouille humaine. Ici, vous avez en présentation des seringues sanitaires qui étaient utilisées durant le 15e, 16e siècle, et qui permettait effectivement d'injecter des substances dans l'abdomen. À cette époque-là, on pratiquait les trouées, on éviscérait la dépouille humaine, et du coup, on retirait, donc c'est le principe de l'éviscération, on retire les organes, on retire les intestins, et on injectait des substances balsamiques, donc du vinaigre et autres, dans la cavité abdominale. On frottait, et on utilisait aussi de la cendre, on utilisait également du calcaire, pour assainir l'intérieur de la dépouille humaine. Et on remettait les organes ensuite dans la cavité thoracique? On ne remettait pas les organes. La plupart du temps, on mettait de l'étoupe, on mettait du rembourrage, en fait, pour redonner du volume. Et au début du XVIIIe siècle, on invente une nouvelle seringue et une nouvelle technique qui vont changer radicalement les techniques d'embaumement, Nicolas Delestre. Alors oui, on va inventer notamment la seringue... Allons-y. On va inventer la seringue donc à pression directe, qui va être ce type de seringue, qui est une seringue titan X en fait. En fait, c'est une croix, simplement. Donc on avait besoin d'un assistant qui tenait la seringue en main, sur les deux côtés, et la deuxième personne, en fait, poussait le piston. Cette seringue fait une trentaine de centimètres de longueur, elle a un diamètre d'une dizaine de centimètres. Elle a l'air particulièrement lourde. Ça ressemble davantage à un robinet qu'à une seringue telle qu'on se l'imagine aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, elle a le cran du robinet à l'entrée parce qu'il fallait pouvoir arrêter l'injection assez rapidement lorsque on sentait que le produit était en train d'agir ou qu'il y en avait trop. Il fallait pas qu'on injecte trop de produit pour éviter les gonflements. Mais au bout de cette seringue, on plaçait des canules qui étaient coudées, qui permettait en fait de se placer à l'intérieur des artères, notamment de la carotide, donc d'injecter directement le produit. Il faut savoir que la plupart du temps, le schéma artériel accepte une pression de 2 bars maximum avant de casser, et ce type de seringue permettait justement de doser la puissance qu'on mettait dans l'injection pour pouvoir faire ça efficacement. Fin du 18e, début du 19e, on va avoir l'arrivée notamment de Tranquina, Giuseppe Tranquina, qui va devenir très très rapidement médecin, très jeune. Il va devenir chirurgien, très jeune. Il va développer une technique de soins par injection. Il va pratiquer dans les amphithéâtres de médecine de la ville de Palerme, et donc devant 400 journalistes, il va pratiquer ces techniques d'embaumement pour montrer que ça fonctionne et montrer à quel point ce n'est pas invasif, puisqu'il pratiquait simplement une injection, donc c'est beaucoup moins invasif de ce qui était pratiqué à l'époque. Et du coup, il va réussir à convaincre très rapidement toute la bonne société palermitaine de l'intérêt de son type d'embaumement. Il va aussi convaincre l'Église de son intérêt, puisqu'il va pratiquer aussi sur beaucoup d'amis des papes qui vont demander à voir le résultat. Donc il va y avoir des présentations sur la place Saint-Pierre, notamment d'un ami de pape, pour montrer en fait la préservation du corps. On est dans une période où de toute façon on recherche, où la mort intéresse beaucoup de monde, et elle commence à intéresser beaucoup la médecine, et du coup on fait des démonstrations à droite à gauche. Mais Tranquina domine vraiment le domaine scientifique à ce niveau. Il va rajouter dans ses conservations de l'arsenic naturel. En fait, à la base, Tranquina d'ailleurs rajoute l'arsenic naturel pour une raison très simple, c'est la coloration rouge de l'arsenic naturel. Et donc, ça lui permet en fait de combattre l'aspect glabre de la dépouille humaine. Et du coup, ces mummifications sont très belles et ça intéresse beaucoup à ce niveau-là. Donc c'est un succès de communication, cette démonstration de Tranquina en 1834, puisque 400 personnes y participent. Il y a un véritable spectacle de l'embaumement ce jour-là. Mais c'est aussi une technique et une démonstration qui vont rencontrer de l'approbation technique. Et aussi, cet embaumement s'avère finalement très peu coûteux, puisque les substances utilisées par Tranquina sont très simples et très accessibles. Oui, tout à fait. Et c'est une des grandes nouveautés. C'est le fait de dire que les substances utilisées sont peu coûteuses, c'est le fait de dire que la technique est simple, mais on a derrière, ce qu'on oublie, c'est que Tranquina a pratiqué sur énormément de corps avant, pour arriver à ce genre d'aboutissement. C'est qu'il a fait énormément d'essais, c'est qu'il a testé énormément de produits, et il a réussi des choses vraiment magiques. En tout cas, à ce niveau-là. Le problème est qu'il va tomber assez rapidement, vu que c'est de l'arsenic, sous le coup de l'interdiction due à l'évolution de la médecine légale. Du coup, le produit en lui-même de Tranquina va disparaître, mais la technique directe va perdurer. Plaisir de vous accueillir. Et alors, cette invention de l'embaumement par injection, c'est la pratique de l'embaumement la plus courante jusqu'à nos jours encore, Nicolas Delestre? C'est la même. C'est exactement la même. Partie technique. Visite à la maison funéraire de Magny-les-Hameaux avec Christophe Goussin, thanatopracteur et conseiller funéraire. Donc Christophe Goussin, on se trouve dans cette partie laboratoire, dans l'atelier du thanatopracteur. Exactement. Donc on imagine que quand le défunt arrive, il arrive par l'arrière du bâtiment, par ce parking et par cette porte à l'arrière de la salle pour être ensuite réfrigéré. Et ensuite, le corps est traité sur cette table. Donc un soin de conservation, c'est un acte chirurgical qui consiste à conserver un corps au niveau hygiène et aussi au niveau des tissus. L'objectif de ça, c'est de stopper ce qu'on appelle la thanatomorphose, donc la dégradation naturelle d'un corps, donc par une injection de formol et d'eau à environ entre 0,6 et 1% de formol. Donc, dans un premier temps, diagnostic visuel. Ensuite, donc, préparation du matériel. Ensuite, le corps est complètement donc nu, dans un respect bien sûr le plus total. Nous allons cacher les parties les plus intimes. Alors, le mode opératoire. Donc, on va utiliser le système, ce qu'on appelle le système circulatoire. Donc, le premier facteur de dégradation du corps, c'est le sang. Donc, on va le remplacer par cette solution à base de formaldéhyde. Donc, on va extérioriser simplement une artère. En règle générale, c'est une carotide ou une fémorale, suivant le choix du thanatopracteur. Donc, quand on fait une incision, donc on va utiliser dans un premier temps un bistouri, donc ce qui va permettre de faire l'incision. Ensuite, pour extérioriser et rechercher une artère, il faut un crochet et un séparateur, ce qui va nous permettre de venir crocheter les tissus et séparer les muscles pour aller chercher cette fameuse artère qui est le plus souvent, pour les thanatopracteurs, une carotide. C'est pas de la magie, c'est voilà, on va stopper au moment où on effectue le soin de conservation, on va fixer les tissus à ce moment-là. Donc effectivement, s'il y a une forte dégradation, et certains stigmates qui ne seront peut-être pas possibles d'effacer. Bon, après, il y a un certain nombre d'artifices comme la cosmétique qui peuvent aider. Et puis après, on a la possibilité aussi, avec des salons comme nous on a, avec des lumières qui sont pas complètement directes, de tamiser un petit peu l'endroit et puis d'essayer d'améliorer les choses comme ça. Une fois que le soin de conservation est effectué, donc au bout de 1h30 à 2h, suivant le patient, soit il est remis en cellule réfrigérée, soit il est exposé dans un salon permanent. Donc pourquoi un salon permanent ? Ça veut dire qu'on expose le corps pendant 6 jours, le temps de l'organisation des obsèques, ou moins ou plus, et le corps peut rester dans la chambre jour et nuit, sans aucun autre artifice. Et les familles ont accès 24 heures sur 24 ? 24 heures sur 24. À partir de quel moment, Nicolas Delestre, parle-t-on d'embaumeur ? À partir de quel moment, d'une certaine façon, on invente ce métier et on commence peut-être à le codifier ? En fait, il faut faire une grosse différence entre le terme embaumement et le terme embaumeur. Le terme embaumement vient de l'application des baumes sur une dépouille humaine. Donc ce terme-là apparaît très très tôt. Par contre, les embaumeurs apparaissent sur la fin du 18e, début du 19e siècle. On a quelques embaumeurs sur le début du 18e, mais ils sont extrêmement rares, et surtout, ils sont dans le nord de l'Europe, notamment la Hollande à cette époque-là. C'est tout. À partir, par contre, de la fin du 18e, début du 19e, l'Italie va avoir une nouvelle génération de scientifiques qui vont s'intéresser à la mort, et qui vont développer énormément le soin post-mortem. À cette époque-là, il y a deux corporations qui commencent à apparaître. Les médecins pratiquent encore l'embaumement, mais des personnes qui ne sont pas médecins commencent à se développer sur cette profession et donc vont développer cette profession. On parle de gens qui vont se permettre de développer des techniques alors qu'ils ne sont pas médecins. Et là, vraiment, une profession d'embaumeur dissociée de la médecine va commencer à apparaître. Une nouvelle génération de chimistes, de pharmaciens, de personnes uniquement destinées à la technique, des ingénieurs qui vont développer des techniques autour de la mort et qui vont pratiquer les embaumements. Puisque c'est pas légiféré à cette époque-là. Tout le monde peut pratiquer. La vérité sur la question des embaumements par Lambert. Une loi étant venue interdire l'arsenic dans les embaumements, de nombreuses recherches furent faites pour découvrir un nouveau liquide conservateur sans arsenic. Et l'Académie royale de médecine fut appelée à juger, dans un concours public, de la valeur des divers modes de conservation. Le 19e siècle devient une véritable foire d'empoigne de ceux qui veulent imposer leur technique d'embaumement. Il y en a deux, d'ailleurs, deux embaumeurs qui vont s'affronter de manière très violente, je crois, Nicolas Delestre, au milieu du 19e siècle, Canal et Boissier. Et l'Académie royale de médecine va organiser une confrontation officielle, les mettre en concurrence très officiellement pour faire une expérience qui permette de départager les deux techniques de ces deux embaumeurs. Oui, effectivement, c'est une véritable foire d'empoigne, ça y a aucun doute là-dessus, parce que tout le monde à cette époque-là prétend avoir sa propre technique pour préserver la dépouille humaine. Les 21 et 23 mai 1845, Monsieur Ganal et Monsieur le docteur Suquet ont pratiqué sous les yeux de la commission de l'Académie, chacun un embaumement dans des conditions identiques. Les sujets embaumés furent placés dans une simple bière de sapin et inhumés à 70 cm de profondeur seulement. La commission voulut ainsi accroître les difficultés. Elle pensa que la méthode qui conserverait dans une simple bière de bois conserverait encore mieux dans un cercueil de plomb et avec les précautions employées dans la pratique civile. Les sujets furent d'ailleurs déposés côte à côte dans le même sol et à la même profondeur. On en arrive à des personnes qui déposent des brevets, par exemple pour la préservation par l'eucalyptus. On en arrive à des éditeurs qui déposent des brevets pour une préservation un peu particulière. On en arrive à des gens qui sont persuadés qu'on peut préserver la dépouille humaine simplement en enlevant la peau du visage et des mains. Il faut voir, par exemple, qu'en France, on a également les sortes de savons fous à cette époque-là, comme Vario, qui vont faire de la galvanoplastie, enfin de l'anthropoplastie galvanique, des momies de métal. On a d'autres savants qui vont penser utiliser du bétume résineux, comme l'Égypte antique, pour faire des momies noires entourées de béton. On va avoir énormément de choses. Au milieu de ça, par contre, il y a deux génies qui vont dominer au démarrage. Il va y avoir donc le docteur Boissier d'Issuquet, et Jean-Nicolas Ganal. Jean-Nicolas Ganal et son fils qui vont effectivement faire développer les techniques d'embaumement. Il faut savoir que là, on a le médecin face à une personne qui ne l'est pas. Donc il y a une personne qui, lui, a développé une entreprise privée, etc. 14 mois après, le 14 juillet 1846, sous les yeux de la même commission et en présence de M. Ganal, qui reconnut l'intégrité des scellés apposés lors de l'inhumation, les cercueils furent exhumés et les résultats suivants furent constatés. Le sujet embaumé par M. Ganal était en pleine putréfaction. Il exhalait une odeur suffocante. Ce sujet, dont il est impossible de distinguer le sexe, est entièrement méconnaissable. Le sujet embaumé par M. le docteur Suquet était parfaitement conservé. La figure a conservé sa physionomie, la peau offre dans toute son étendue, toute sa souplesse et toute son élasticité. Le cœur, le cerveau, le foie permettent encore d'étudier non seulement leur rapport, mais encore leur texture, les fibres et les places charnues dont ils se composent. Étonnée de ces résultats, la commission a dû pousser plus loin son investigation, à savoir pourquoi des cadavres embaumés par M. Ganal, il y a 10 ans, se trouvaient encore conservés, tandis que celui soumis à la nouvelle expérience s'était putréfié en moins d'un an. Il fut reconnu que c'est à l'arsenic qu'employait autrefois M. Ganal qu'il fallait attribuer la conservation. Or, comme l'usage de l'acide arsénieux est défendu, il s'ensuit que le procédé d'embaumement de M. Ganal est réduit à néant. Après 2 années d'examen comparatif, la commission rendit compte de ses résultats à l'Académie royale de médecine et la méthode du docteur Suquet fut hautement approuvée par l'Académie. On est vraiment dans le commerce de la préservation de la dépouille humaine et on va arriver à un moment à ce que tout soit tarifé. Et justement, Ganal fait sa publicité sur le fait qu'il pratique l'embaumement moins cher que les autres. C'est les débuts de Ganal, c'est dire que lui, de toute façon, met l'embaumement à la disposition de tout le monde parce qu'il est moins cher. Mais tous vont pratiquer de la même façon, tous vont se dire qu'ils peuvent préserver la dépouille humaine. Un exemple tout bête, Raspail, à Paris, qui était éditeur, a publié une méthode d'embaumement qu'il avait créée lui-même. Tous vont se dire qu'ils peuvent faire ça à ce moment-là. On a un des jardiniers d'Argenteuil qui a développé une méthode d'embaumement à l'époque. Tout le monde a pratiqué ce genre de choses. Mais l'invention de ce marché répond à une demande sociale, il y a une demande de démocratisation, d'accès à l'embaumement. En fait, ça s'accompagne du fait que la société a de plus en plus accès à la culture de la mort. On parle en littérature, on parle les mémoires d'outre-tombe, on parle de Dracula, de Bram Stoker, etc. On a de plus en plus accès à cette vision de la mort très romantique. Et du coup, les familles veulent rentrer dans ce principe-là. Et du coup, même celles qui n'ont pas forcément énormément de moyens souhaitent avoir la possibilité d'avoir quelques brides de ce romantisme morbide. On souhaite préserver et montrer le plus longtemps possible la dépouille humaine. On va faire tout l'apparat qui va autour. On va mettre des tentures noires, on va épurer la pièce, on va contrôler la luminosité de la pièce avec des bougies, etc. On met en scène le deuil. Et l'embaumement fait partie d'une mise en scène du deuil pour l'époque. Au XIXe siècle, Nicolas de Lestre, se développe aussi une mode, un goût pour l'Égypte ancienne. Et on voit apparaître un peu partout de vraies ou de fausses momies, y compris dans les appartements. Est-ce que les momies sont des exemples de techniques d'embaumement ? Alors, déjà, momie, c'est un terme extrêmement générique, puisque momie, ça représente l'ensemble des dépouilles qui ont été préservées. Ça représente autant les dépouilles qui ont été préservées naturellement, les imputrescibles, que des dépouilles qui ont été préservées par action de l'homme. Donc on parle de momies, par exemple, pour les Chinchurro, qui sont les plus vieilles momies avec intervention humaine existante. On parle de momies pour les Égyptiens, on parle de momies pour les préservations anatomiques dans les laboratoires, on parle de momies pour énormément de choses. Momie, c'est juste une préservation. Donc effectivement, l'Égypte au XIXe siècle est à la mode. On pratique des débans de laitage dans les soirées mondaines. On achète des tickets en fait qui donnent droit à enlever un certain nombre de bandelettes aux momies égyptiennes et on gagne les amulettes qui se trouvent dans les bandelettes à ce moment-là. Donc il y a énormément de soirées qui sont pratiquées comme ça en Angleterre, il y en a eu en France. Mais la momie à la base, enfin la momie égyptienne en l'occurrence, est quelque chose qui a servi à énormément de choses. On s'en sert en pharmacopée. On sait que François Ier avait un pied de momie autour du cou qui mordait chaque fois qu'il avait mal à la tête ou de la fièvre. On s'en servait justement pour la peinture. La momia, en fait, est une résine ocre qui est à base de momie broyée. On s'en sert pour énormément de choses. On s'en est servi de combustible dans les machines à vapeur. On s'en est servi d'engrais aussi à certains moments. On s'en sert d'énormément de choses, en fait, des momies. Et du coup, si vous voulez, il y a tout un marché qui s'est développé autour de ça. Et effectivement, au XIXe siècle, on est en plein dans la mode de l'Égypte antique. On aime ça. Il y a une substance qui va s'inscrire pour très longtemps dans la pratique de la thanatopraxie, Nicolas Delestre, qu'on utilise de plus en plus au XIXe siècle et qu'on utilise encore aujourd'hui, c'est le formol. Alors oui, donc le formol en fait est une molécule qui a été mise en évidence par un russe et qui a été développée par Hoffmann au niveau commercial. On n'a pas la date exacte et on ne sait pas qui exactement a pratiqué pour la première fois une injection formol. Le formol c'est un peu un produit magique à l'époque pour l'assainissement. Et du coup tout le monde se dit que avec ce produit on va pouvoir faire à peu près tout et n'importe quoi. La première thèse de médecine qui va commencer à remettre en doute le formol, pas au niveau sanitaire mais au niveau santé publique, ça va être la thèse d'Alain en 1910, qui va pour la première fois dire le formol c'est bien, mais ça présente des capacités à développer des maladies chez l'être humain. Ça va être le premier. Sinon, avant ça, tout le monde est persuadé que le formol c'est le produit magique. Et pourtant, on l'utilise encore aujourd'hui. Oui, alors on l'utilise aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un produit qui marche extrêmement bien. Ensuite, parce qu'il y a des possibilités de se protéger des effets néfastes du formol par des EPI, qui sont des masques à gaz, qui sont des blouses, qui sont énormément de choses. On a la possibilité de se protéger du formol. Et il y a aussi le fait que le formol n'est pas propre à l'embaumement. On utilise le formol aussi dans le traitement des meubles, donc pour le bois. On l'utilise aussi beaucoup en cosmétique. Les vernis à ongles et les rouges à lèvres, les produits pour les cheveux, sont tous à base de formol. Et du coup, l'interdiction du formol pose un problème pour les thanatopracteurs, mais surtout pour l'industrie de la cosmétique. S'il n'y avait pas l'industrie de la cosmétique, le formol serait sans doute interdit depuis longtemps. L'enjeu financier n'est pas le même. Les techniques scientifiques liées au corps, les guerres, Nicolas Delestre, sont des moments bien souvent de stimulation, des inventions ou de constats ou d'observations. En ce qui concerne la thanatopraxie au XXe siècle, qui a été marquée par de très lourdes guerres, est-ce qu'il y a des moments clés comme ça qui, sans forcément être des moments d'invention, ont renforcé ou ont mobilisé le métier de thanatopracteur plus particulièrement? Tous les conflits ont eu des techniques de développement intéressantes. Si on prend par exemple la guerre de sécession, on voit que la quantité de corps produites et surtout les distances à parcourir par le train nécessitaient un embaumement important, d'où le fait que Homs ait mis en place des tentes directement sur les champs de bataille pour embaumer directement et faire partir les corps des personnes importantes par le voie de chemin de fer immédiatement. Déjà traité. Mais tous les conflits ont permis ce genre de choses, hein, tous. Mais c'est pas propre à l'embaumement, c'est propre à la médecine en général. Quand on parle d'amputation, la guerre de 14 a fait date. Quand on parle de reconstruction faciale, la guerre de 14 a fait date, avec les gueules cassées de la guerre de 14. Les orthèses sont essentiellement un produit développé pendant la guerre de 14. Il y en a eu avant, beaucoup, mais la masse de traumatismes pendant la guerre de 14 fait qu'on a testé énormément de choses. Et en fait, ce qui a été testé sur le vivant arrive tout de suite sur la mort. Les orthèses, les nez supplémentaires, les mentons supplémentaires, etc., sont des choses qui sont appliquées en thanatoplastie. La thanatoplastie, c'est la reconstruction faciale d'un corps qui a subi un traumatisme important. Et en fait, les techniques sont les mêmes que celles appliquées sur du vivant. Et à la fin du 19e siècle, cet engouement pour l'embaumement va décliner. Oui. En fait, c'est un rejet de ce romantisme de la mort, en fait, et aussi un rejet du culte de la dépouille, qui va commencer à arriver petit à petit. On a le grand bouleversement du début du 20e siècle, c'est la guerre de 14, qui fait que les cadavres, tout le monde commence à en avoir vu, et on a vu beaucoup, et dans des états pas terribles. Du coup, les présentations des corps vont être moins longues ou ne plus exister du tout. On a, à partir de la fin de la guerre de 14, plus aucun embaumeur privé en France. On a encore des embaumements qui sont pratiqués, mais c'est uniquement par des médecins. Ça se simplifie, on utilise toujours la même technique. On utilise à ce moment-là le formol, par contre, mais il va y avoir beaucoup moins de personnes qui vont se faire embaumer. Il y a, par contre, dans les années 60, un retour de l'engouement pour l'embaumement. Ce retour va venir essentiellement des États-Unis et d'Angleterre, puisque, à contrario de la France, les techniques d'embaumement vont continuer à se développer aux États-Unis, vont devenir de plus en plus précises, on va utiliser de nouveaux produits, on va les développer de plus en plus, et du coup, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont se faire embaumer, et il va y avoir un retour de cette mode vers l'Europe et vers la France. Écoutons Madame Geneviève Tabouy, qui a intitulé sa conférence « La mort aux États-Unis ». 1er janvier 1961. Le grand humoriste américain Mark Twain fait remarquer que s'il est vrai qu'une communauté humaine peut être identifiée par le genre d'enterrement qu'elle pratique, alors l'ordonnancement des funérailles en Amérique peut révéler beaucoup sur ce pays. L'Amérique est bien le pays du monde où les morts vont le plus vite. Car à peine a-t-on fermé les yeux à la lumière du jour que quelques heures plus tard, selon la loi, de coquettes voitures blanches viennent vous chercher pour un dernier séjour de 3 ou 4 jours dans un de ces funérailles parlors, hôtels comme tous les hôtels, à la seule différence que le client de la chambre 80 ou de la suite appartement de luxe 123 n'appartient plus au monde des vivants. De la suite appartement 123 s'ouvre et j'entre dans une vaste pièce inondée de soleil, sorte de bureau d'affaires style grande banque, où le banquier auquel je rends cette dernière visite est en complet veston négligemment étendu sur un sofa de velours vert. Au lieu du malade aux traits blafards et burinés des dernières semaines, je retrouve un mort serein, aux joues rebondies, vivement coloriées, aussi élégant qu'à l'ordinaire et semblant plus jeune, d'une quarantaine d'années au moins. D'une main, il tient le dernier bilan de son conseil d'administration, de l'autre, ses lunettes. Autour de lui, ses principaux collaborateurs, aimables, reçoivent, parlant à très haute voix aux amis et visiteurs. Peu de temps après, s'éteignait à New York la jeune artiste parisienne Colette Darville. Dans un salon vert pâle aux boiseries... Mais il s'agit d'un nouveau métier, le métier de thanatopracteur. L'Institut français de thanatopraxie a été créé en 1963. 16 juin 1972. Et a formé depuis, nous sommes au chiffre de 61 thanatopracteurs. Et qui opère dans toute la France ou dans une région en particulier ? Dans certaines régions, dans le sud-est, dans le sud-ouest, dans la région parisienne, dans le nord de la France, il y a encore actuellement des régions qui ne sont pas du tout desservies par des thanatopracteurs. Nous n'avons pas encore eu le temps de former assez de personnes à cette profession. Marion Péchiné, vous êtes une... On dit thanatopracteur ou thanatopractrice ? C'est un terme assez moderne, du coup, thanatopractrice peut s'adapter. Après, moi, thanatopracteur me convient aussi, c'est pas, voilà, pas d'importance, disons. Et vous exercez ce métier depuis quelques mois seulement. Vous savez pourquoi vous avez choisi ce métier ? Oui, alors après, c'est compliqué à expliquer. C'est une suite d'événements. On ne peut pas dire j'ai toujours rêvé de faire ce métier quand j'étais gamine. Non, ça ne passe pas. C'est beaucoup de réflexions. J'ai fait beaucoup de petits métiers avant, enfin, de tests d'autres métiers dans le médico-social principalement. Et par élimination, j'ai réfléchi longtemps à ce métier. J'en suis arrivée à la thanatopraxie. J'avais vraiment le besoin d'aider des personnes. Après, le médico-social, j'avais des petits problèmes un problème d'empathie, en fait. Trop d'empathie pour les personnes âgées, les personnes mourantes, en fait, qui m'ont bloqué. Donc, j'ai cherché un travail, déjà, qui liait toutes les connaissances anatomiques, parce que ça m'intéresse beaucoup, la médecine, tout ça. Un métier où je pouvais travailler seule, parce que pareil, avec mes expériences professionnelles, je me suis aperçue que je préférais largement travailler toute seule, et tout en continuant de rendre service à des personnes, mais plus que dans l'ombre, quoi. C'est très rare qu'on soit en contact avec les familles. Des fois, je rappelle les conseillers pour leur demander des détails sur les coiffures quand j'ai un doute, tout ça, mais ça se fait toujours par une personne interposée. J'ai rarement l'occasion de les rencontrer. Donc lorsque vous êtes missionné pour un soin de thanatopraxie, vous demandez à ce qu'on vous délivre une tenue complète pour le défunt et aussi les éléments de sa parure très quotidienne, son maquillage, peut-être des photos aussi de cette personne avant son décès. Oui, c'est ça. Alors souvent on me dit tu dois aller faire un soin à tel endroit pour telle heure, c'est telle personne. Et les détails, j'en ai pas beaucoup. Alors certains familles automatiquement précisent ce qu'il faut mettre, comment il faut. Certaines ne le font pas. C'est un peu à moi de voir, donc de minimaliser, c'est de pas trop changer la personne. Et voilà, quand je sais vraiment pas, je demande des infos complémentaires. Mais c'est jamais vous qui appelez ? Non, c'est jamais moi. Et où se pratiquent ces soins d'embaumement de thanatopraxie ? Alors, ça se pratique dans les laboratoires équipés, donc qui sont attenants aux pompes funèbres. Ça peut se pratiquer également dans les laboratoires d'hôpitaux ou de maisons de retraite. Et plus rarement, ça se fait à domicile. Déjà, en ville, ça se pratique plus beaucoup à domicile. En campagne, un peu plus. Mais domicile est compliqué. Oui, parce que là, le contact avec la famille est obligatoire. Voilà, il y a le contact avec la famille, il y a les petits-enfants qui courent, qui vont ouvrir la porte de la chambre pendant le soin, il y a le corps qui est placé au milieu d'un lit immense, faire le soin à quatre pattes sur le lit. Les vapeurs du produit non plus aussi sont dangereuses, embaument un peu la pièce. C'est vraiment des conditions particulières. Dominique Le Pape, vous êtes médecin et vous êtes urgentiste. Pourquoi avez-vous eu envie d'apprendre les méthodes, l'art de la thanatopraxie, puisque vous estimez que cette discipline est un art en soi ? Alors, je dirais que ce n'est pas directement lié à mon activité médicale. Vous savez, je pense que quand on fait, ou quand on s'oriente, ou quand on s'intéresse à ce métier, ce n'est pas pour rien. Je pense qu'il y a pour tout anato qui est investi, comme on peut le voir autour de nous, dans cette activité, il y a une histoire de vie derrière. Donc effectivement, moi j'ai découvert l'intérêt et la grandeur de la thanatopraxie, malheureusement, à l'occasion du décès de mon fils. Et effectivement, c'est à partir de ce moment-là où je me suis orienté sur cette activité, non pas pour l'exercer, puisque j'exerce toujours mon métier de médecin, mais pour pouvoir, je dirais, participer à rendre la mort plus belle. Parce qu'effectivement, on ne peut pas lutter contre la mort. Et là, effectivement, mon activité de médecin urgentiste depuis 30 ans m'a bien montré qu'on avait des limites et que de toute façon, il y avait un moment où la mort avait le dernier mot. Alors peut-être qu'on pouvait avoir un mot encore un petit peu plus loin et qui était de dire « bah d'accord, on n'a pas pu l'éviter, mais si on peut la rendre plus belle, ça sera toujours ça ». Yeah. On sent bien une tension dans l'histoire de ce métier, dans l'histoire de cette profession, Dominique Lepape, c'est-à-dire une tension qui demande à atteindre, à accéder à une certaine crédibilité. Malgré tout, on a du mal à classer ce métier de thanatopracteur, d'embaumeur, c'est-à-dire que ce n'est pas un métier scientifique, pourtant vous utilisez la science dans vos techniques d'embaumement, ce n'est pas un artisanat, vous parliez d'art justement, donc ce n'est pas un artisanat, c'est une profession libérale, c'est une profession en même temps très, très souterraine d'une certaine façon. Je crois qu'on a du mal à catégoriser ou à classer, peut-être parce que la profession n'est pas obligatoirement à sa place. Actuellement, la profession fait partie du service extérieur des pompes funèbres. Ça a toujours été comme ça. Et on peut se poser des questions, effectivement, sur la légitimité. Parce que la thanatopraxie est le seul métier pour lequel on fait des gestes un peu invasifs, un acte de chirurgie, post-mortem certes, et cet acte est le seul qui ne soit pas pratiqué par du personnel de santé sur le corps humain. Et ça avait d'ailleurs été relevé par une mission qui avait été mandatée en 2013, c'était l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des affaires sanitaires, qui avait été mandaté, qui avait eu une mission qui avait pour objectif de travailler un peu sur l'évolution de la réglementation au niveau des thanatopracteurs. Et il avait été relevé, d'ailleurs, dans cette mission, très justement, que les thanatopracteurs avaient un petit peu de mal à se retrouver, puisqu'ils travaillent en tant que, on va dire, experts indépendants, mais au sein d'une activité qu'ils ne maîtrisent pas, puisqu'elle est proposée par des entreprises de pompes funèbres, ils ne sont que des sous-traitants, des intermédiaires, et ils ont un peu de mal à se retrouver dans cette activité. Donc on se retrouve avec un certain nombre de points de commun en termes d'éthique, en termes de respect, en termes de gestes, qui sont communs avec les professions de santé, et on est intimement convaincu que l'avenir de la profession de thanatopracteur passera obligatoirement par le rattachement de la profession aux professions de santé. Et ça, c'est relativement simple à mettre en place. Le diplôme et le programme est géré par le ministère de la Santé. Ce n'est que dans un second temps que les thanatopracteurs, je dirais, sont abandonnés par la santé. C'est un métier qui demeurera toujours suspect pour une raison très simple, c'est qu'on touche à la sensibilité d'une personne qu'on a connue. Permettre à quelqu'un de travailler sur le cadavre d'un être proche, c'est extrêmement intrusif au niveau intimité. Et du coup, ça paraîtra toujours suspect. Permettre à un inconnu de traiter le corps d'un proche, c'est un acte vraiment très particulier. Donc de toute façon, quoi qu'il se passe, l'embaumement et la thanatopraxie paraîtront toujours suspects. Toujours. On peut atténuer les choses, on peut expliquer les choses, on peut enseigner les choses. Ça ne changera pas le principe que dans ces moments-là, les sens et l'approche de ce métier seront toujours quelque chose de très particulier. Et la confiance qu'on met dans le thanatopracteur à ce moment-là reste quand même relativement précaire. Merci à Nicolas Delestre, Marion Péchinet, Fanny Madeline, Christophe Goussin et Dominique Lepape. Merci également à Michel Guénantaine. Lecture, Marianne Pichon. Archivina, Aurélie Marsay. Prise de son, Chantal Nouvelot, François Rivalan et Éric Boisset. Mixage, Cédric Châtelu. Nous soignons vos morts, un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Voilà donc pour ce deuxième volet de notre série consacrée à nos morts. Que faire de nos morts? Et aujourd'hui donc l'histoire d'un métier, ce métier de thanatopracteur. Demain, nous nous intéresserons au rituel de deuil dans la fabrique de l'histoire. Vous pouvez réagir à cette émission ou à toutes les autres en nous écrivant sur notre boîte mail fabrique@radiofrance.com, en discutant avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore en nous suivant sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.